Je le sais, je ne suis qu'un con. Mais bon, je procure l'exaltation. Je le sais, je ne suis qu'un con. Mais bon, je procure l'exaltation de toutes ces nonnes jusqu'aux femmes mormons, tel un tigre du Bengale et même un chacal. Je le sais, je ne suis qu'un con. Mais bon, je procure l'exaltation. Waouh, je le sais, je ne suis qu'un con. Mais bon, je procure l'exaltation. Tout ce qu'elle souhaite, c'est moi comme mal. Mais en montant le pilote, je trahis leur mal toxico. Je procure l'exaltation. Je l'aime.